Chololo, copon de ton foiré. Canaille la chronique. SLD, ça monte ça la prod. Yes, Pro City 64 000. Entrez ou pas, écoute ça. Ok, j'ai pas le bif pour miser, mais j'ai l'envie de tout niquer. Si je taffe la semaine, c'est pas juste pour fumer du shit tout le week-end. Je me tournerai jamais vers la fuite, tout s'y perd. Mon arrivée dans ce game vous fera l'effet d'une pluie de shuriken. On a des corbeaux crevés, je tente de changer de voix. Et je m'en bats les couronnes de ce que les gens peuvent penser de moi. Tu vas croire que ce n'est pas tout, j'envie des fois le silence. Dans ce nuage noir, je n'ai que la foutre en guise d'étoiles filantes. Et même si je n'ai pas le cœur à chanter, je devrais taffer dur, à vrai dire, ce n'est pas l'heure de patienter. On dirait que je n'ai pas peur de la tempête. Ici j'ai vu que même le pire des prédateurs frappe en traître. Avoue que t'aimerais qu'on se lâche avant d'y perdre ta place. Je dois accélérer, je n'ai pas le time d'attendre l'irréparable. J'défris mon charas avant de kicker de la phase. Et partout je passe, j'écris mon blaze à l'encre ineffaçable. Bang bang. Le passé m'a blessé, je n'ai pas le temps de rire. Je vois que les opportunités passent, j'essaie d'être attentif. On dirait que j'attends le coup du sort et ce n'est pas sans risque. Je rêvais de faire le tour du globe, mais j'ai les pas dans le vice. Le passé m'a blessé, je n'ai pas le temps de rire. Je vois que les opportunités. J'essaie d'être attentif, on dirait que j'attends le coup du sort et ce n'est pas sans risque. Je rêvais de faire le tour du globe mais j'ai les pas dans le vice. J'ai grandi dans le gris du bitume, des briques, des cris, des bitures. J'décris des tristes vies, des crises de rire dans mes écritures. Passe tous pour l'auditeur, cholo dealer, hey. C'est pas le bonheur dans nos immeubles, Excel dans le rap et le foot comme Ozymane. On frappe vite comme la peste, ma fratrie donne la fée. C'est la chronique comme adresse, mon show classique en fin de session. Slalom entre les flaques de piste, nique la police. Ramène la prod, un pack de 16, un chromie, puis je l'atomise. Beaucoup des notes sont broyées par la tige, salope, fais pas la bise. Fuck le rap, j'viens pour taper mes royalties. Même si c'est peu, ça aide. J'crains le jour où tout s'arrête, du coup j'me pousse à être le meilleur de moi-même, on verra où ça mène. J'panne comme sur un coussin d'air, resserre un verre. Viens pas te plaindre quand les coups s'inversent. Les taux se resserrent, longtemps trop pris à la gorge. Autant courir à la mort, nique les clés du succès, j'vais pourrir à la porte. Le passé m'a blessé, j'n'ai pas le temps de rire. J'vois que les opportunités passent, j'essaie d'être attentif. On dirait que j'attends le coup du sort et ce n'est pas sans risque. J'rêvais de faire le tour du globe, mais j'ai les pas dans le vice. M'a blessé, je n'ai pas le temps de rire. Je vois que les opportunités passent, j'essaie d'être attentif. On dirait que j'attends le coup du sort et ce n'est pas sans risque. Je rêvais de faire le tour du globe, mais j'ai les pas dans le vice. Le temps c'est court, j'attends le couple et parfait. Je donne